فقوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ضمان من الضلال. Donc la parole d'Allah, lorsqu'il nous dit: quiconque suivra ma guidée, il ne s'égarera point et ne sera point attristé. Cette parole, ce verset, est une garantie contre l'égarement. وضمان أكيد من الشقاء. Et également, c'est une garantie sûre contre la tristesse et le malheur. معناه الهداية الكاملة. الهداية الكاملة لمن يتبع هذا الهدى. Ceci veut dire, ceci signifie la guidée totale. Ceci signifie que la guidée totale est pour celui qui suivra cette guidée. والضمان الكامل من الشقاء المخزي في الدنيا والآخرة. Et la garantie totale contre le malheur avilissant sur terre et dans l'au-delà. وأي خزي وأي شقاء أشد من هذا الخزي الذي يعانيه المسلمون. Et quel avilissement et quel malheur est plus grand que l'avilissement dont les musulmans souffrent. وأي ضلال أشد من هذا الضلال الذي يعيشه كثير من المسلمين. Et quel égarement est pire que l'égarement dans lequel vivent beaucoup de musulmans. العقائد تخالف كتاب الله. Dans la croyance, tu trouves des croyances qui contredisent le livre d'Allah. العبادات عند كثير من الناس تخالف العبادات التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. Dans les adorations, tu trouves chez beaucoup de gens des adorations qui contredisent les adorations avec lesquelles sont venus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bad'an min tawhid al-ibada, en commençant par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Bab al-asma'i wa sifat, ensuite dans le domaine des noms et des attributs d'Allah. Taqum madaris ala ghayri kitabillah wa ala ghayri sunnati rasulillahi alayhi salatu wa salam. Tu trouves des écoles qui dans ce domaine, le domaine des noms et des attributs d'Allah, tu trouves des écoles religieuses qui sont sur une voie contraire au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta balagha bi ba'd atba'i al-hawa wal-ighraq fi ad-dhalal an yaqul inna al-akhdha bi dhawahir al-Qur'an wa sunnati shirk wa kufr. Jusqu'à ce que certains parmi les gens qui suivent leur passion et qui sont enfoncés dans l'égarement, certains sont arrivés à dire le fait de prendre les textes apparents, le fait de prendre les textes du Coran et de la Sunna en apparence, ceci est du shirk et de la mécréance. إلى هذا المنحدر انحدر كثير من الناس. Beaucoup de gens sont arrivés à ce point-là de l'égarement. إلى أنهم لا يعتقدون أن في كتاب الله الهداية الكاملة. Ils sont arrivés au point de croire qu'il n'y a pas dans le Coran toute la guidée. فلا يعتمدون في عقائدهم على قال الله ولا على قال ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans la croyance, ils ne s'appuient pas sur ce qu'Allah a dit et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. يعتقدون فلسفة اليونان ومنطقهم ويسمونها بالمعقولات. Mais ils croient, ils ne croient pas à cela. Ils ne croient pas que le Coran contient toute la guidée. Mais ils croient que quoi? Mais ils croient à quoi? Ils croient à la philosophie grecque. Ils croient à la philosophie grecque. Et ils appellent cela quoi? La logique. ويحرفون كتاب الله لأجل هذه الفلسفة الجاهلية التي غزتنا من الغرب. Et ils déforment le livre d'Allah. Pourquoi? Ils déforment le livre d'Allah pour cette philosophie ignorante qui nous a colonisé. Cette philosophie ignorante venant de l'Occident qui nous a colonisé. Pour cette philosophie, il modifie le livre d'Allah. كثير من الناس يتصور أن الغزو الفكري جاء في هذه القرون المتأخرة. Beaucoup de gens s'imaginent que la colonisation, beaucoup de gens s'imaginent que la colonisation intellectuelle n'est venue que dans les que ces derniers que depuis ces derniers siècles. بل إن الغزو الفكري جاء من القرون المتقدمة. En fait, en réalité, la colonisation intellectuelle, elle est venue depuis les premiers temps, depuis les premiers siècles. يوم أوذي أحمد بن حنبل وإخوانه من أهل الحق وضربوا وقتل بعضهم من ذلكم الوقت بل وقبله صدم هذا الغزو الأمة في أصل أصولها من ذلكم الوقت. Depuis le jour où Ahmed ibn Hanbal a été persécuté, lui et ceux qui étaient avec lui parmi les gens de la vérité, parmi les gens de la Sunna, depuis le jour où ils ont été persécutés et ils ont été frappés, ils ont été tués pour certains d'entre eux depuis cette époque-là. Et même avant cela même, cette colonisation a attaqué la communauté dans la base même de ses fondements et de ses principes depuis cette époque-là. وانتشرت الفلسفات وتصوف المجوس والرهبان وغيرهم من ذلكم الوقت فلم يأتي الغزو الحديث إلا مكملا للغزو السابق. Et depuis cette époque-là, donc, les différentes philosophies se sont répandues, de même que le soufisme des mages et des prêtres et autres depuis cette époque. Et donc, la colonisation contemporaine n'est venue que compléter cette colonisation qui a eu lieu à l'époque. Ici, je rajoute, Cheikh, il a donné l'exemple et il a parlé de Ahmed ibn Hanbal et des gens de la Sunna qui étaient à son époque, qui ont été persécutés, frappés et même tués pour certains d'entre eux. qui ont été persécutés, frappés et tués pour certains d'entre eux. Donc, subhanallah, Ahmed ibn Hanbal et les gens de la Sunna à cette époque-là, lorsqu'il y a eu ce que l'on a appelé la fitna de khalq al-Qur'an, la tentation et les troubles dus à la parole que le Coran a créée, lorsque les Mu'tazila ont amené cette croyance, lorsque les Mu'tazila ont ramené cette croyance, seul l'imam Ahmed, rahimahullah, et ceux qui étaient avec lui parmi les gens de la Sunna sont restés fermes sur leur croyance, sont restés fermes sur la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'autres, même parmi certains savants, et je dirais même parmi certains imams de la Sunna, certains ont faibli lors de cette tentation. Car le gouverneur à l'époque, qui avait été trompé par une secte, la secte des Mu'tazilites, qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils ne reconnaissent pas la parole, yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté de l'attribut de la parole, et de là donc ils ont dit que le Coran donc n'est pas la parole, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, donc le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est ce qu'ils disaient, et ils disaient que le Coran donc était créé. Et donc le gouverneur a été trompé par cette secte et il a, car il aimait beaucoup la philosophie et ces gens-là avaient pris leurs ambiguïtés à partir de la philosophie grecque. Et ils sont venus avec cette philosophie dans l'islam et ils ont trompé avec cette philosophie le gouverneur qui a suivi leurs croyances égarés et leur innovation. Et donc, l'imam Ahmed rahimahullah et certains parmi les savants de la Sunna sont restés fermes sur la croyance authentique, la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'a pas été créé. Mais certains ont succombé sous les menaces et ont prononcé cette parole pour éviter d'être persécutés ou tués. Maintenant, je vous demande, si l'imam Ahmed, rahimahullah, et ceux qui étaient avec lui, qui sont restés fermes sur la vérité, s'ils avaient délaissé la vérité, l'exposé de la vérité, est-ce qu'aujourd'hui nous connaîtrions la croyance des gens de la Sunna, comme certains aujourd'hui veulent nous dire, lorsque tu apportes les preuves de l'égarement d'une personne à travers les textes du Coran, de la Sunna et des paroles des salafs, tu ramènes les preuves que cette personne-là a contredit le Coran ou a contredit la Sunna ou a contredit la voie des salafs. Puis ils te disent non. Il ne faut pas mettre en garde. Lakin alhamdulillah. Mais alhamdulillah, la vérité, quoi qu'il arrive, triomphe. Et la sunna, quoi qu'il arrive, triomphera. Et les gens de la sunna quoi qu'il arrive, triompheront, et ce jusqu'à la fin des temps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant par la vérité. Ceux qui rusent contre eux, afwan, ceux qui les trahissent et ceux qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, et ils sont toujours sur cette voie. Donc quoi qu'il arrive, les gens fermement accrochés à la sunna, les gens fermement accrochés au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie des salafs, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un groupe sur cette voie. Même si les autres les trahissent, même si les autres les contredisent, même si les autres ont avec eux le pouvoir, même si les autres ont avec eux de l'argent, quoi qu'il arrive, ce groupe-là est le groupe victorieux, le groupe triomphant. Ceux qui les trahissent ou les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit. Excusez-moi pour cet écart. Et j'en reviens donc à la traduction de la conférence de Shir. Ensuite, Shir, il dit « Inna al-firaq ad-dalla التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها كلها في النار إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الفرق بدأت من أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. Les sectes égarées dont le prophète صلى الله عليه وسلم a informé qu'elles iraient toutes en enfer sauf le groupe qui restera sur ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. À part eux, toutes les sectes égarées, elles sont apparues vers la fin de l'époque des compagnons. ثُمَّ انْتَشَرَتْ وَتَفَشَّتْ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ. Puis elles se sont répandues. Elles se sont répandues et étendues dans les sociétés musulmanes. حتى صار أكثر المسلمين لا يخرجون عن هذه الفرق. Au point que la majorité des musulmans ne sortent pas de ces sectes. وقل من هو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الطائفة الناجية والمنصورة. Et très peu sont ceux qui sont sur le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ces gens-là, ce sont le groupe sauvé et le groupe victorieux. والآن في هذا الوقت بعد متاهات طويلة تاه فيها كثير من المسلمين تنتشر فكرة العودة إلى منهج السلف الصالح. Et aujourd'hui, à notre époque, après une longue période pendant laquelle beaucoup de musulmans se sont égarés, aujourd'hui se répand la pensée de revenir à la voie des salaf salih, à la voie des pieux prédécesseurs. وَبِي وُسْعِ كُلِّ مُسْلِمْ طَالِبٍ لِلْحَقِّ قد تسلح بالعلم أن يميز بين الحق والباطل. Et il est dans la capacité de tout musulman recherchant la vérité et qui s'arme de science, aujourd'hui il lui est possible de distinguer entre le vrai et le faux. وأن يدرك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et il est dans sa capacité de voir et de comprendre ce sur quoi était le prophète sallam et ses compagnons. وما عليه هذه الفرق التي حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها في النار. Et également, il a les capacités de voir et de trouver ce sur quoi, yani le chemin que suivent les sectes dont le prophète sallam a témoigné et a jugé qu'elles iraient en enfer. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam iftaraqat al-yahud ila 71 firqa وافترقت النصارى إلى اثنتين إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith authentique, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté, la communauté musulmane, c'est-à-dire, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un. Ils ont dit, quel est-il, ô messager d'Allah? Il a répondu, celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons. فَأَمَّا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وهو حديث صحيح فهم يبثونه في الناس ويحذرون المسلمين من الهلاك ويهتفون بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Quant à ceux qui croient à ce hadith, qui est un hadith authentique, donc ceux qui croient à ce hadith, ils le propagent chez les gens et ils mettent en garde les musulmans contre l'égarement et la perdition. Et il les appelle à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Wa amma ahlul ahwa fa innahum yata'awwaluna hadha al hadith. Quant aux gens de la passion, certes, ils interprètent ce hadith à leur manière. Ou alors, ils prétendent que c'est un hadith faible. Ils prétendent que c'est un hadith faible. Limada, pourquoi? Li'annahu yubayyinu ma 'indahum min ad-dalal wa yashhadu 'alayhim bil halak. Pourquoi? Parce qu'ils prouvent, parce qu'ils montrent ce qu'ils ont comme égarement. Ils témoignent de leur perdition. Mais ils ont des intérêts dans cette division. Lahum atba' yahtaffuna bihim wa yashiduna bimakanatihim. Ils ont des gens qui les suivent. Ils ont des gens qui les suivent et qui s'accrochent à eux et qui les élèvent. Ils ont des gens qui les suivent, qui s'accrochent à eux et qui les élèvent. فَحِفَاظًا عَلَى هَذِهِ الْمَكَانَ وَعَلَى الْمَصَالِحِ الْمَادِّيَّةِ يُنْكِرُونَ هَذَا الْحَدِيثِ لِيَبْقَى لَهُمْ جَاهُهُمْ. Donc pour préserver leur place et leurs intérêts, ils réfutent ce hadith. Ils nient ce hadith. Pourquoi? Pour que leur réputation reste toujours. Ou alors, s'ils ne le rendent pas faible, s'ils ne disent pas que c'est un hadith faible, ils l'interprètent. حتى يبقوا على ما هم عليه من الانحراف. Ils l'interprètent pour qu'ils puissent rester sur l'égarement dans lequel ils sont. وَحَتَّى لَا يَتَّضِحُ هَذَا الْحَدِيثِ فَيَفْضَحُهُمْ. Et pour que ce hadith ne soit pas clair pour les gens, de telle sorte que quoi qu'ils seront démasqués. فَيَقُولُ لَهُمُ الشَّبَابُ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. Et que les gens après vont leur dire, les jeunes vont leur dire, où êtes-vous par rapport à cette secte sauvée? Et pourquoi vous vous entêtez dans l'égarement? Et pourquoi? Vous faites partie de ces sectes égarées. فيأتون بمثل تلك التأويلات وبمثل تلك التحايلات حتى تبقى غالبية الأمة سادرة في غيها بعيدة عن منهج الله. Donc il ramène ce genre d'interprétation et ce genre de ruse pour que la majorité de la communauté reste enfoncée dans l'égarement, loin de la voie d'Allah. لأن هؤلاء دعاة الضلال لا يعيشون إلا في الظلام لا يعيشون إلا في دوامة المغالطات car ces gens-là sont des prêcheurs à l'égarement. Ils ne vivent que dans les ténèbres et ils ne vivent que dans la ruse. Je rajoute ici, et c'est là-dessus que je vais terminer le cours d'aujourd'hui. Je rajoute là-dessus, parmi ces gens-là que le cheikh a cité, celui que l'on nomme Rachid Abu Hudayfa, Rachid de Brest, qui cite ce hadith. Il cite ce hadith, tab'an, il n'a pas osé dire que ce hadith est faible, comme l'ont dit certains parmi les gens qui sont dans des sectes égarées. Mais il l'a interprété à sa manière. Lorsqu'il a dit, en citant ce hadith, il a dit, et cette communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un seul. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'ils ont interrogé le prophète, quel est-il? Dans une des versions authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le groupe, El Jama'a. Et Rachid Abu Hudayfa, il a traduit ce hadith et il a dit donc, voilà, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quel est le groupe qui sera sauvé? C'est le groupe. Donc, il faut rester en groupe. Et il a dit également, Naam, pour ne pas qu'il dise ensuite que nous avons enlevé de ses paroles, il a dit également, le groupe qui est sur la sunna. Le groupe qui se réunit sur quoi? Sur la sunna. Et il a sorti de ce groupe donc qui est sur la sunna, il dit, et tout, que ce n'est pas donc, yani, il ne faut pas se dire ikhwani, ni tabliri, ni salafi. Donc il a mis les salafis avec les ikhwani et les tabliri. Comme si que, yani, les salafis ne font pas partie de ce groupe sauvé. Comme si que les salafis, ceux qui suivent les salafs, et les salafs ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations. Donc, les salafis ce sont ceux qui suivent les salafs, qui suivent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rachid Abu Hudayfa, il dit que le groupe, le groupe sauvé, c'est le groupe, ceux qui sont en groupe et qui se réunissent sur la sunna. Puis après, il fait sortir de ce groupe qui est sur la sunna les salafis. Tayyib. Quelle est la définition de l'jama'a dans ce hadith? Tel que ceci nous a été rapporté parmi les grands imams de l'islam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Vous connaissez Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon radiallahu anhu, sur lequel les autres compagnons ont dit qu'il était le compagnon qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans celui qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a expliqué al-jama'a. Il a dit al-jama'a al-haqq walau kunta wahdak. Le groupe, c'est pas le nombre, mais le groupe, c'est quoi? Le groupe, c'est la vérité. Même si tu es tout seul. والجماعه المقصود في هذا الحديث يعني يفسره الروايه او تفسره الروايه الاخرى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. Le groupe dont le prophète صلى الله عليه وسلم il parle dans cette version, c'est le groupe qui a été défini dans l'autre version du hadith. Lorsque le prophète, quand il a été interrogé sur ce groupe sauvé, il a dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons. Donc le groupe, El Jama'a, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que le prophète et les compagnons. Et ce sont eux le groupe sauvé. Taïb. Maintenant, nous demandons à Rachid Abu Hudhayfa, est-ce que les salafis, ils sont sur la voie du prophète et des compagnons, radiallahu anhum, ou bien est-ce qu'ils contredisent la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons. Tab'an, on parle d'un vrai salafi. Quelqu'un réellement, il dit, Naam, je suis salafi, il a la croyance des salafs et il est sur la voie des salafs. Tab'an, le salafi, c'est celui qui suit les compagnons. Radiallahu anhum, dans la compréhension du din. Et avant cela, il suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là-dessus, il n'y a même pas de question, il n'y a même pas à discuter. Donc les salafis, ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Ceux qui les ont précédés dans l'islam, parmi les meilleures générations, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges. Donc comment il met les salafis avec les ikhwan et les tablirs? Comment tu mélanges et tu trompes les gens en faisant croire que tout ça ce sont des nouvelles sectes qui sont apparues? On demande à Rachid Abu Hudhayfa, qui a fondé le mouvement salafi? Qui a fondé le mouvement salafi? Nous savons que les Ikhwan, le mouvement des frères musulmans, il a été fondé par Hassan al-Banna, il y a environ un siècle. D'accord? Donc, 13 siècles après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est clair que les Ikhwan sont dans un égarement et qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau dans l'islam. Taïb, on lui demande, qui a fondé le groupe d'établir? Mohamed Ilyes. Pareillement, il y a environ un siècle. Donc pareillement, il y a, c'est-à-dire, ce groupe a été fondé, le groupe d'établir a été fondé 13 siècles après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est également un groupe innové. Maintenant, lui demandons qui a fondé le mouvement salafi. Qu'il nous le dise. Celui qui a fondé le mouvement salafi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fondé le mouvement salafi, c'est Allah. Pourquoi? Parce que le mouvement salafi, c'est de suivre la parole, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à la compréhension des sahaba, radiallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations. C'est ça le mouvement salafi. Et ça, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous l'a ordonné dans le Coran et à travers la sunna de son messager. Et je ne vais pas m'attarder à reciter tous les versets et tous les hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension et l'application de la religion. Wa kama qala l'imam Malik rahimahullah, ma lam yakun yawma idhin dinan fa laysa al-yawma dina. Comme le disait l'imam Malik rahimahullah, ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque, à l'époque du prophète et des compagnons, ça ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. وَلَا يُصْلِحُ آخِرَهَا وَلَا يُصْلِحُ آخِرَهَا هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا. Rien ne pourra réformer les derniers de cette communauté, si ce n'est ceux qui ont réformé les premiers. Donc, le manhaj salafi ne doit pas être mélangé avec les sectes innovatrices qui sont apparus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils prétendent que le mouvement salafi est un mouvement innové, alors qu'ils citent celui qui l'a innové, et qu'ils citent les règles sur lesquelles il l'a innové, ce manhaj, et en quoi ce manhaj donc a contredit le Coran et la Sunna, et ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma, que tu viennes, que tu dises le groupe sauvé c'est le groupe, puis que tu utilises des mots, naam, tu dis que quoi, que c'est le groupe qui se réunit sur la sunna. Naam, c'est le groupe qui se réunit sur la sunna, la shak. Walakin, est-ce que les gens ont compris réellement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre version, il a amené cet ajout pour enlever toute ambiguïté. Ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons. Puis tu viens, tu dis, c'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. Les gens de la Sunna et du groupe. Ahlus Sunna wal Jama'a. Tout cela, pourquoi? Pour ne pas utiliser le terme, naam, salafi. Tayyib. Aujourd'hui, naam, qui rentre dans Ahlus Sunnati wal Jama'a? Qu'ils nous le disent. Si pour lui, naam, les Ikhwan font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, si pour lui, les Tablir font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, si il dit que les Asha'ira font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, si il nous dit que les Maturidiyya font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, si il nous dit que les Murji'id font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et que les Ahbash font partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, idhan, nous lui disons kadhabta, nous lui disons tu as menti. Nous lui disons tu as menti. Car nous allons regarder la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, telle qu'elle a été écrite dès les débuts de l'islam, dans les premières générations d'islam, par les grands imams de l'islam et de la Sunna. Puis on va voir si tous ces groupes et toutes ces sectes marchent sur cette voie-là ou la contredisent. Donc n'utilise pas ce terme-là, puis tu rentres dedans qui tu veux. Ahlus Sunnati wal Jama'a. هم السلفيون وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث كل هذه ألقاب لأهل السنة والجماعة وللفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Donc أهل السنة والجماعة, réellement ce sont les salafis, ce sont les gens du hadith, ce sont les gens des traces, ce sont le groupe sauvé, ce sont le groupe victorieux. Toutes ces appellations sont cités par les savants pour désigner le groupe sauvé qui a été cité dans ce hadith. Donc ne viens pas utiliser un terme, puis tu rentres dedans qui tu veux. Ahlus Sunnati wal Jama'a, nous regardons qui est en accord avec la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a et la méthodologie de Ahlus Sunnati wal Jama'a telle qu'elle a été écrite dans les livres de référence. Dans Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et bi'idhnillahi ta'ala. Car il y a ce Rachid Abu Hudhaifa, mais il y en a d'autres qui, eux, se disent salafis et qui ramènent des méthodologies qui contredisent la méthodologie des gens de la Sunna, la méthodologie des salafs. Donc bi'idhnillahi ta'ala, nous essayerons de prendre un livre de référence, Bil Asanid, avec les chaînes de transmission. Un livre de référence avec les chaînes de transmission, qui sera donc un livre de référence dans le dogme et dans la croyance, dans la aqida des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et nous lirons certains passages et nous verrons qui est en accord avec cela aujourd'hui parmi les gens de notre époque. Et alors nous saurons que ces gens-là, ce sont eux qui sont Ahlus Sunnati wal Jama'ati haqqan, que ce sont eux les vrais gens de la Sunna et du groupe sauvé. Que ce sont eux qui suivent réellement la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, la voie des salafs, la voie de ceux qui nous ont précédés. Et nous verrons qui c'est qui contredit ce qui a été inscrit dans ces livres de référence que les imams de l'islam et de la Sunna ont écrit afin que la Sunna reste préservée. Car malheureusement, aujourd'hui, beaucoup s'apparentent à la Sunna et s'affilient à la Sunna. Et ils détruisent la Sunna de l'intérieur. Et ils perturbent les gens de la Sunna, ceux qui recherchent la Sunna. Wal'iyadu billah. Fa baynana wa baynahum. Kitab Allah. Wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kutubu salaf. Donc entre eux et nous, il n'y aura rien d'autre que quoi? Que le livre d'Allah. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les livres des pieux prédécesseurs. C'est ce qui tranchera entre nous. Car ceci commence à bien faire. Wallahi, sakatna tawilan. Nous sommes tués longtemps. Raja'an yarji'u ila rushdihim. En espérant que ces gens-là allaient revenir à la raison. Mais ils s'entêtent dans leur égarement. Et ils s'entêtent dans la confusion et il s'entête dans l'ignorance et il s'entête dans la propagation des ambiguïtés et il perturbe la jeunesse musulmane. Je ne vais pas rapporter mes paroles. Et je ne rapporterai pas les paroles de Cheikh Rabi'. Même si pour nous, la parole de Cheikh Rabi', jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu Cheikh Rabi' contredire la voix des salafs. Lakin, pour ne pas soulever de polémique, nous ne rapporterons pas la parole de Cheikh Rabi' ou bien de Cheikh Naam El-Fawzan ou des savants contemporains. Nous rapporterons ce qui a été inscrit dans les livres avant que toutes ces divergences que nous voyons aujourd'hui apparaissent. Afin que quoi ? Afin que la vérité soit claire pour celui qui la recherche. À travers le livre d'Allah, la sunna du prophète et les livres des salafs. Et nous verrons qui est sur la vérité et qui est sur un chemin qui contredit la vérité. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.